Le porte-parole du comité de mesures extraordinaires pan-nationales contre les exercices de guerre nucléaire à l'encontre du Nord a publié le discours en une communication à propos de la révélation de l'introduction supplémentaire de 4 rampes de lancement de SAD que les bellicistes sud-coréens ont introduites sans annoncer pour ajouter à 2 précédentes. En voici le résumé. L'introduction de nouvelles rampes de lancement est un important crime intolérable pro-américain destiné à éviter l'indignation de la population sud-coréenne s'opposant résolument à la disposition de SAD et la protestation des pays voisins et à prolonger leur vie ignoble à l'aide du suzerain américain. Le fait que le Parti de la Corée libre et autres conservateurs protègent à tout prix la traîtrise des bellicistes pro-américains montre bien qu'ils sont tous la même bande des traîtres pro-américains. Ce qui indigne le plus, c'est que les États-Unis imposent la disposition de leur armement démoniaque aux autorités sud-coréennes, ce qui dévoile la nature banditiste et le dessein malhonnête des États-Unis qui veulent terminer vite la disposition de SAD en Corée du Sud, accélérer la réalisation de la stratégie d'hégémonie en Asie-Pacifique, la péninsule coréenne en premier lieu, et impliquer la Corée du Sud à leur système de défense antimissile. Le problème, c'est l'attitude incertaine des autorités sud-coréennes qui pensent à l'humeur de leur suzerain et se conduisent lâchement, ce qui est une insulte et un défi intolérable envers la population sud-coréenne qui s'oppose catégoriquement à la disposition de SAD. La méthode la plus sûre pour régler ce problème, c'est annuler complètement cette mesure et retirer les équipements déjà introduits. Les États-Unis doivent retirer sur le champ leur armement démoniaque introduit en Corée du Sud à l'aide de leurs valets. Les autorités sud-coréennes qui se disent « produits de la révolution à la bougie » doivent savoir correctement la demande de la population et ne doivent pas suivre la conduite de la bande de Park Geun-hye qui n'a laissé que les actes honteux antinationaux en proie au pro-américanisme. Elles doivent également punir à la peine capitale Kim Kwan-jin, Han Min-gu et autres responsables qui ont introduit le SAD, car tous les milieux sud-coréens les condamnent comme les 5 traîtres de l'An Ulsa du temps moderne.